Elle part souvent dans la nuit. Je te pardonnerai, mais tu fuis. Je te voulais près de moi. Nos sentiments prennent le large. Trop de souvenirs sont partis. Une fois de plus sans toi, mais j'ai tant fait d'efforts. Et mon cœur est en panne. Trop de souvenirs sont partis. Une fois de plus sans toi, mais j'ai tant fait d'efforts. Et mon cœur est en panne. J'aime pas quand on se dispute des fois. Chiquita, j'ai besoin de toi. À cause des blèmes, j'finis les ouais. C'est pas si facile de s'aimer. Cheveux longs ou coups gros carrés. De toute façon, je l'aime comme elle est. On s'en boucanera plus jamais. On s'en ensemble, on n'est pas cramé. Elle s'en fout, elle du cheval cabré. C'est ma Chiquita, je le savais. Elle part souvent dans la nuit. Je te pardonnerai, mais tu fuis. Je te voulais près de moi. Nos sentiments prennent là. Trop de souvenirs sont partis. Une fois de plus sans toi, mais j'ai tant fait d'efforts. Et mon cœur est en panne. Trop de souvenirs sont partis. Une fois de plus sans toi, mais j'ai tant fait d'efforts. Et mon cœur est en panne. Je l'ai dit tant de fois, ne t'en vois. Je sais plus si la route est la même. Dis-moi à qui la faute, cœur en panne. Redonne-moi tout l'amour que je te donne. Ces cheveux longs.